On va faire le tour des séries. On vient de faire le tour des séries dans la Ligue junior, la Ligue du Lac-au-Fleuve, pardon. Et là, maintenant, on va s'en va du côté de la Ligue junior régionale avec notre ami Guy Saint-Gelais. Salut, Guy. Salut, Danny. Guy, on va commencer par le junior. Il y a une série qui a pris fin lundi soir entre les Éperviers et les Saguenay-Chicoutimi. Oui, dans le junior, on connaît maintenant les deux finalistes, soit les Éperviers de Normandin qui ont éliminé Chicoutimi en cinq parties, qui est, on pourrait dire, une petite surprise. Ah oui, ok, c'est parce Mais que. Ah oui, ok. ouais, Chicoutimi avait quand même fini deuxième, Normandin troisième, puis il y avait quand même un bon 10-12 points de différence en saison. Ok. Mais Normandin, là, j'ai vu des matchs et ils ont extrêmement bien joué. Ils ont travaillé fort. Et Pierre-Olivier Girard dans les buts là, a fait une grosse différence. Là. Ok, donc. Puis du côté des Marquis, bien, ils ont éliminé Roberval là, en 4, là, quand même assez aisément. Là. Facilement, parle-t-il Roberval, ça. Je regarde les ouais, pointages Roberval ont aussi. travaillé, ouais, Roberval ont quand même travaillé fort, mais ils manquait de jus là, à chaque match. Là. Ok. Donc, ce qui fait en sorte, évidemment, les Sabres, en tout cas, ils se sont battus avec ce qu'ils pouvaient vraiment, là. Ouais, c'est ça. Mais C'est c'est vraiment deux bonnes organisations. Hein. Les Éperviers sont régulièrement en finale. Et c'est la même chose pour les Marquis que Bob Desjardins. Oui, tu sais, il y a diverses raisons qui peuvent expliquer ça. Là, j'embarquerai pas dans toutes les raisons. Ça me tente pas de créer des polémiques là à Ouais. soir. Mais oui, c'est deux bonnes organisations là à Normandin là, avec Nicole qui se fait là depuis 20 ans et plus et Bob là, depuis environ 8 ans, 8-10 ans. C'est très deux bonnes organisations. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent de leur territoire, ce qui ça aide aussi, des joueurs de qualité surtout. Et puis là, faut regarder là pour les autres équipes là pour voir pour essayer d'équilibrer la ligue là, malgré que depuis les dernières années là, les cinq équipes étaient pas mal équilibrées là, ça se Ben, battait, c'était beaucoup plus serré, sauf cette année là avec deux équipes là, qui ont connu plus de misère. les Aiglons d'Alma, ils ont été assez souvent là, je trouve. Oh, oui, les Aiglons ont été dominants plusieurs années. L'an dernier, ils ont commencé à connaître un petit peu de problèmes là, vers la fin de la saison. Cette année, ils n'ont connu plus un peu. Puis l'an dernier, le problème était surtout les blessures là, du côté des Aiglons. Ça Ok. fait que là, puis cette année, ben, là, il y avait un problème de joueurs. On avait deux équipes qui avaient un problème de joueurs cette année, là, où que la Ligue, il fallait qu'ils travaillent fort avec la Fédération là, pour combler ce problème-là, pour pas revivre la même situation l'an dernier. Parce que cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs qui ont été du running time, là, du non-chrono, là, qu'on appelle. Et puis, tu sais, d'une ligue à 3-20 minutes chrono normalement, où que le monde paye pour aller voir les matchs, s'envole un match, puis c'est. Après une période et demie, ça vire en non-chronométrie, mais la game d'après, Ouais, que c'est ce tellement soit ça. Alma ou Roberval retourne, là, à peu importe la place, mais le monde y retourne pas, ils savent que, tu sais, ça va être un match, là, plus dull un peu vu que c'est non chronométré, là, excusez l'expression. Ça nuit à des foules là aussi là, à certaines équipes. Ok, donc on va suivre ça. Au niveau junior, avant de parler de la série de Joe Dulac, la bataille de Joe Dulac, les Castors qui ont éliminé les Marquis de Jonquière, ça c'est une certaine surprise aussi ça. Oui, dans le midget, ça a été une belle surprise. On en parlait la semaine dernière avec les Castors, et je te disais que les Castors travaillaient très fort. Eh bien, les castors, ben, leur travail a porté fruit. Puis je peux te dire que présentement, ils jouent contre, justement, tu parlais de Pas la série du facile ici. Haut-du-Lac, là, contre Saint-Félicien. Mais je veux dire, en affaire, Saint-Félicien ont remporté leur match mardi, là, mais seulement 2-1. Et Delbois ont travaillé encore très fort, un très bon système de jeu là, de la part de Robin Boulian là, pour contrer les grosses offensives qu'il a faites contre Jonquière et Saint-Félicien, là. Fait que malgré la fiche de 2-0, là, de victoire là, pour Saint-Félicien qui mène dans cette série, c'est vraiment des matchs là, enlevant dans le haut du lac. Ah ouais, puis écoute, Robin me disait un matin, parce que je bookais pour l'entrevue de demain, ça prend pas grand-chose pour faire la différence. Non, non, non, il manque pas grand-chose. Une petite ligne là, qui est dure à traverser, là, et pour le reste, là, ça va bien. Là. OK, l'autre demi-finale maintenant. L'autre demi-finale, c'est les Orioles de Jonquière versus les Ambassadeurs de Chibougamau. Ouais. Ça a débuté dimanche dernier. Les Orioles l'ont emporté 4-2 à Chicago. Ça reprend vendredi cette semaine à Chicago, toujours avec un autre match. Okay. Et puis les matchs 3 et 4 vont avoir lieu à Jonquière samedi, les deux matchs de la même journée. C'est rare, et pareil, parce que normalement, quand c'est à Chicago, il y a toujours des programmes 2 pour le transport. Ouais, mais c'était supposé être deux matchs dimanche, mais vu que ça s'est décidé samedi, c'était plus compliqué un petit peu là, okay. Pour les joueurs du côté de Jonquière là, à partir de toute la journée avec les midgets, ça commence à avoir des petits travail étudiants, tout ça. Ça fait que c'était compliqué d'aller jouer deux matchs là, dans la même journée là, pour ça fait que les Orioles ont décidé d'y aller, de monter deux fois. Okay. Ça fait que là pour les matchs 3 et 4, eh bien c'est samedi les deux matchs. Et puis, dimanche, si nécessaire, le cinquième match va avoir lieu là, à 14h à Chibgamo. OK. C'est 1-0. C'est 1-0 Jonquière dans cette série-là. Oui, c'est une certaine surprise, c'est que les Orioles ont gagné. Hein. Est-ce que je me trompe là-dedans à Chibgamo? Oui, surtout que c'était 2-0 Chibgamo en début, okay, de match. Puis les Orioles étaient seulement 13 joueurs. Donc, mais le travail d'Annie, là, c'est dur, hein, là. Quand tu as une bonne éthique, tu travailles fort, là. C'est normalement le succès est suivi. Oui, effectivement. Guy, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui. On se reparle lundi prochain. Tu penses que tu vas être au stade olympique en passant? C'est des matchs que j'ai déjà assistés, mais pour X raisons, mettons que j'ai moins de plaisir à aller voir ces matchs-là. Fait que, donc, un gros merci, puis on va se reparler la semaine prochaine. Puis bon, merci, Dani, pour une semaine. Donc, merci. Guy Saint-Gelais, qui est le relationniste de la Ligue JMS.